Romeo te está roda. Dos de sal, que vecinosas. Orfeos que jure para que tan cuda. Chive donde paco, para ser la. Dolca, ya, cubia la toca. Llevo de mi aferir, para mi verilla. Saye, proyendo, yo que no se pise en la vida. Si fils de pas, j'vais le couler, mon avis. J'leur fais la guerre, je ne veux que jamais faire une balle de ta vie. Tu l'as dit, moi qui m'a dit. Oui, j'vais être une jeune gamine. Comme tout pas ma gamine. Tu me parles de cette vie, tu me dis qu'elle est sale. Son amour pour toi n'est pas plus vrai que c'est ça. Toi, on dit, on en prend l'homme, mais c'est mensonge. On a tout ce côté mal, ça, est-ce que tu le sais? Je fais l'école de la rue, club dans le carton. J'ai vu des lions devenir des portiers de bâtards. Je fais l'école de la rue, club dans le carton. J'ai vu des lions devenir des portiers de bâtards. Bloqué entre rêves et cauchemars, mis à l'eau-gard. Si tu l'as dit, on fait la guerre, la guerre. Bah oui. Bloqué entre rêves et cauchemars, vide à l'aucun. Un pied dans le vide, un pied dans le péché. Oh mais bloqué entre rêves et cauchemars, vide à l'aucun. Un jour on s'aime, un jour on se fait la guerre. Oh mais bloqué entre rêves et cauchemars, vide à l'aucun. Un pied dans le vide, un pied dans le péché. Oh mais j'écris des lits pour déverser ma haine, ma folie, comme si je buvais des lits. Et tous les jours je mets des coups de chance dans mon double diabolique. Que la chance me sourit, juste une fois comme analyste. Mais qui reste plus celui sur le pied de nos visages. J'ai quelques frères qui marchent avec moi, même sur du magma. Parce que la confiance se perd, et se gagne qui se le voit. Ça parle en clic-clic, parle dans mon star, pour les ordinateurs. Ici chacun pour soi, même le petit polo, la fin de sa bantano. Juste si la vie est malade, c'est Raoult qui t'a tout cap. On court après de l'air, l'amour nous court après. C'est le djagiste et c'est la diagolatrie. Soit t'es le prédateur ou t'es la croix facile, oui, oui. On veut tous briller, comme des étoiles dans le ciel. Mais à force de vouloir briller, certains de nous s'éteignent. On veut tous briller, comme des étoiles dans le ciel. Mais à force de vouloir briller, certains de nous s'éteignent. Bloqué entre rêves et cauchemars, vide à l'aucun. Un jour on s'aime, un jour on se fait la guerre. Ah oui. Bloqué entre rêves et cauchemars, vive à l'aucun. Un pied dans le vide, un pied